Moi je me sens triste, comme un poète sans son riz. Si personne s'en sort ici, chacun dit que c'est là que son sort réside à chaque combat. Cette vie me laisse des gros hématomes, je me rappe qui veut. J'ai l'impression de creuser ma tombe. Pas de second plan, second plante. Reviennent à chaque sanctuaire, mine s'accentue. Si je me sens comme à chaque sanctuaire, on est rejeté. Comme les glandos qu'un bateau rescale. Faut pas qu'on rescale comme les sons produits par Corescal. Deux sprits dans le filet, des problèmes que l'État gère pas. La France est comme un meuble, on est coincé dans l'État gère pas. Percé dans le rap, c'est ce que le rituel est désespéré. Mais on m'a dit, mec, c'est du rituel désespéré. Moi je me rappelle de ces victimes que les champagnardais. 93, c'est loin d'être calme comme la champagnardais. Je te dirai pas, je suis de ceux qui font des compris au large. Écoute nos sons et tu verras bien compris au large. Mélancolique reste ma plume, la colère comme ce diplôme. Malheureusement, je constate que c'est un drôle de diplôme. On est placé par jour, on voit plus de trolls blessés. Personne pourra te remplacer, ici on tremble assez. Lose control, I've seen friends kill themselves. Strange, I think. À la base sur mise, à part sur nous et notre envie. Mélancolie, une fois de plus, c'est notre envie. Ouais, tu sens que l'instru est triste, c'est peut-être ce que nos cesses reflètent. Dans ma tête, je suis précis, ou du moins j'essaie de le faire. Demande à Death la tête sous l'eau, comme leur main au doux. Trop de crapules, ça nous gouverne, mais de leur maillon doux. Je porte du synthétique, pas du Tarage Germont. Quand t'apprends que t'es un critique, tu sens que Tarage Germont. Je dis pas que je déchire, je sais ce que je vaux. Mets des barrières, mes 16 chevaux. Rap, c'est d'abord un kiff, ça prend la tournure que ça prend. C'est pour l'instant péjoratif, peur à coup sûr que ça plante. Loin d'être anonyme, si on boit, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. La baisse est ce canonie, frère, allume ton calumet. Y'a trop de déni, demande au père Foura. Moi dans mes lignes, la vérité, je viens perforer. Zappe les ennemis, pas fait pour plaire, frérot. Mais je fiance, c'est pas possible, comme trouver le contraire de zéro. Mélancolique reste dans ma plume, la colère comme ce diplôme. Malheureusement, je constate que c'est un drôle de diplôme. On est placé par jour, on voit plus de trolls blessés. Personne pourra te remplacer, ici on tremble assez. Lose control, I've seen friends kill themselves. Strange, I think. À la base sur promise, à part sur nous et notre envie. Mélancolie, fois de plus, c'est notre envie. Je me lève avec un goût d'amertume. Avoir les nerfs tu, j'ai la rage comme si tu me disais ferme la ta mère, me suis j'étouffe, enlevez-moi ce corset. J'ai le cœur écorché, y'a plus en plus de pauvreté. Mais la vie est encore chère, mal par la fenêtre. Regarde ce monde est funeste. Les gens sont sales, la ruchelin comme quand t'écrases une punaise. J'ai pas vu naître ce monde, il va bientôt disparaître. Des hommes y'en a pas disparaître, mais ils se tapent tous pour des barrettes. On nous empêche de démarrer, on veut tous nous amarrer. Certains trouvent bien ça marrant, nous dans nos têtes c'est le raz de marée. Mon sourire s'estompe quand je vois des familles sous les ponts. Quand ça parle de guerre et qu'un pays est sous les paumes, je suis sous les monts. Frère, on nous taxe et on gratte rien. La haine monte, on prend le bic et avec des ça rappe bien. Mon cœur s'accélère et pourtant j'ai pas pris le test. Du 9-3 au 3-5, on a tous la même tristesse. Mélancolique reste dans ma plume, la colère comme ce diplôme. Malheureusement, je constate que c'est un drôle de diplôme. On est placé par jour, on voit plus de trolls blessés. Personne pourra te remplacer, ici on tremble assez. Lose control, I've seen friends kill themselves. Strange, I think. À la base sur promise, à part sur nous et notre envie. Mélancolie, une fois de plus, c'est notre envie. Souvent mes textes ont un ton triste et parfois même mélancolique. Sache qu'à rien peut m'attendrir, car j'aime la vie, demande aux collègues. Que tu les déces là où se connecte. Regarde dans nos verres, la disque qu'on met. Tous incompris, un discours muet. Paralysé par votre mépris, je parle des lésions. Quand le doute me prend, être authentique, c'est la seule règle. Je vois un tas de type que l'oseille drague. Je dors sur un œil comme un soldat. Je donne mes rares, tous dans le sale drap. Dur de marcher droit. Marche noire et c'est ça le drame. Mélancolique restera ma plume, moi. J'ai que la colère comme seul diplôme. Me parler d'intérêt, bah ouais ça me plante. De la bouche d'un frère, ça te ressemble pas. Je frappe le terre plein et y'a personne. Sans repère seul, je frappe le terre plein. Mélancolique restera ma plume, la colère comme seul diplôme. Malheureusement je constate que c'est un drôle de diplôme. On est placé par jour, on voit plus de trolls blessés. Personne pourra te remplacer, ici on tremble assez. Lose control, I've seen friends kill themselves. Strange, I think. À la base sur promise, à part sur nous et notre envie. Mélancolie, une fois de plus, c'est notre envie. Too many brothers in the struggle. Fight life, finish your bruises on the knuckles. Nice guys quickly change after harsh times. Living in a world, it's a battle. C'est toute une vie d'adolescent avec les doutes entrelacés. Le moral à zéro, je suis la tête aux jambes cassées. Y'a pas d'issue, délit facile, omniprésent. Les cartes se creusent, l'omniprésent et peu d'espoir dans ce que je ressens. We don't expect any gifts, but to get kicked in the ribs. No help whatsoever. Man against man, act for the power. Inside a man, how they can close their eyes and be proud. The morals whatsoever. On est minot dans l'âge, mais beaucoup moins dans l'âme. Une vie bien trop cruelle, j'en verse une larme. La gorge ça me sert, rien à foutre qu'on nous sert, mon pote. L'équipe est soudée comme un cercle. Mélancolique reste dans ma plume, la colère comme seul diplôme. Malheureusement, je constate que c'est un drôle de diplôme. On est placé par jour, on voit plus de trolls blessés. Personne pourra te remplacer, ici on tremble assez. Lose control, I've seen friends kill themselves. Strange, I think. À la base sur promise, à part sur nous et notre envie. Mélancolie, une fois de plus. vie.